Dans les années 80, Georges Perec publiait un merveilleux recueil, Je me souviens. Je me souviens est la devise du Québec. Quelques années plus tard, l'extraordinaire Samy Fray mit en scène et joua lui-même ce monologue de plus d'une heure, et pendant lequel il ne cessait de pédaler sur un vieux vélo, comme s'il partait à la recherche de sa mémoire. Je vous offre quelques extraits. Je me souviens des petites pâtes alphabet dans la soupe. Je me souviens d'un très grand trésor, une lampe de poche. Je me souviens du tennis de McEnroe, colérique, guéroulaïtis et vilas. Je me souviens de ma première érection provoquée par une lecture interdite. Je me souviens du marchand de glace qui passe dans la rue avec sa drôle de musique. Je me souviens qu'on demandait pour descendre de table. Je me souviens que les voitures avaient des bulles qu'on fixait aux fenêtres l'été. Alors, si moi je ne pédale pas, sauf dans la semoule parfois, peut-être, je me plais à plagier ce grand auteur méconnu. Je me souviens des premiers numéros de Playboy, lus en cachette. Je me souviens des Scooby-Doo qu'on léchait à la récréation. Je me souviens de notre premier dîner, cet abruti maladroit qui renversa de la sauce sur mon pantalon. Je me souviens de son sourire espiègle lorsqu'elle tenta de nettoyer ma baguette. Je me souviens quand du corps s'éveille la mémoire. Je me souviens de nos premiers courriels interminables. Je me souviens du vent puissant en haut des falaises. Je me souviens de mon émotion en regardant avec elle la naissance du monde. Je me souviens de sa gêne lorsque je lui dis que sa toison était dans le même état. Je me souviens de notre premier baiser à la fois timide et torride. Je me souviens de son long soupir de soulagement en apprenant que j'étais marié. Je me souviens d'une promenade dans les bois de Saint-Cloud sous une pluie battante. Je me souviens de mon éclat de rire en la regardant faire pipi derrière un arbre. Je me souviens combien elle aimait que je lui récite la boucle retrouvée d'Apollinaire. Je me souviens de nos interminables conversations au téléphone. Je me souviens combien elle n'aimait pas reconnaître qu'elle aimait que je sois très grivois quand elle ne pouvait répondre. Je me souviens de la première fois où elle glissa sa main glacée dans mon pantalon. Je me souviens des étoiles qui habillaient son regard quand elle était heureuse. Je me souviens du jour où elle m'appela pour me dire « Reviens souvent me prendre dans la nuit. » Je me souviens la tendresse envahissante quand se souviennent la peau, les lèvres, quand les mains croient sentir, croient toucher à nouveau. Je me souviens de l'odeur du cuir de ce bar si cosy. Je me souviens de l'éclat de ses yeux en écoutant Varum ou en regardant Julien Clerc dans Hair. Je me souviens de ses frissons quand je lui pris la main et de mon émotion quand elle la serra si fort. Je me souviens de ma gourmandise devant la religieuse qu'elle croquait à pleines lèvres. Je me souviens de la pudeur de ses sentiments et de l'exquise impudeur de ses élans. Je me souviens du parfum de ses lèvres lorsque ses pas crissaient. Je me souviens de sa peur quand elle s'embrasait. Je me souviens de ma langueur lorsqu'elle m'effleurait des yeux. souviens de sa soif d'apprendre tout ce qu'elle avait oublié. Je me souviens de Sexus, qu'elle aimait me lire en disant qu'elle était heureuse que je ne ressemblais point à l'auteur. Eh oui, et lui, il se souvient d'une rencontre peu ordinaire. C'était hier ou peut-être avant-hier. C'était intemporel en fait, une rencontre qu'il portait en lui. Il se souvient car cela lui fait penser à Cécilia, celle de Moravia dans l'ennui. Sans s'identifier à Dino, il s'est souvent interrogé sur le rapport de l'homme avec lui-même, sur la difficulté de communiquer avec l'autre, avec soi. Et lui toujours se souvient de cette femme peu ordinaire, de son silence si expressif qu'il lisait en elle par son regard. Intimité non exprimée mais intensément désirée. Elle parlait beaucoup sans jamais rien dire vraiment. Elle avait peur de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle aspirait à ressentir. Il se souvient qu'elle lui avait confié aimer terriblement le sexe, mais qu'elle parvenait bien rarement à son apogée. Elle lui avait alors demandé de lui apprendre la langue du cœur, de lui expliquer mot à mot la langue universelle du désir, pour enfin pouvoir jouir dans son cerveau de tous les désirs. Il se souvient qu'elle était plus à l'aise en parlant la langue du cul. Elle avait toujours ressenti moins de gêne à exprimer les attentes de son cul que celles de son cœur. Il se souvient encore et toujours de cette femme peu ordinaire, car elle est toujours là au fond de sa tanière. À l'inverse de Cécilia qui jouissait en offrant l'intimité absolue de son ennui, elle avait tellement peur d'abandonner son intimité cérébrale autant que son intimité amoureuse, ses aspirations érotiques qui chez elle étaient tellement liées au bouillonnement de son cortex. Et alors, moi, je continue, je me souviens qu'il y avait elle au début et qu'il y avait moi. Je me souviens de ce pommerol partagé bouche à bouche. Je me souviens du creux de son cratère incandescent et de son sourire candidement provoquant. Je me souviens du petit bonheur de Félix Leclerc. Je me souviens que depuis qu'il y eut elle et moi, elle se sentait femme de feu. Je me souviens des mots oubliés, tous ceux que j'ai répétés. Je me souviens de la pression de sa main quand mes yeux caressaient ses attentes. Je me souviens du plaisir échangé dans le silence torride de nos désirs. Je me souviens de son envie d'un bain de notre désir de douceur. Je me souviens des élans de tendresse. Hier, demain, un jour. Je me souviens comment je prenais sa bouche pour la déguster longtemps, pendant qu'elle caressait mon ventre doux et moelleux. Je me souviens de ses frissons quand je caressais ses fesses, de sa gourmandise à téter ma queue pour qu'elle lui donne son lait. Je me souviens sentir sa main dans mes cheveux pour me dire de continuer à lui parler avec une si ferme douceur. Je me souviens combien elle mouillait le cordon de ses désirs. Jour de grande marée, pendant qu'elle perlait sous mes doigts, écumant sous mes assauts. Je me souviens que mes mots n'étaient pas toujours les siens, forcément. Ces mots qu'elle aurait prononcés, les mêmes, mais différemment. Coincés par le double fond de crainte et d'espoir. Je me souviens de cette ineffable dualité si nécessaire, faite de cérébralité et d'extrême sensualité. Où était-ce? Quand était-ce? L'ai-je rêvé? Et j'oublie. De cela, je ne me souviens pas.